bienvenue au supplément SmackDown. C'est Ringside, vous écoutez Catch Up. Avec nous ce soir, l'ami Giscal et l'ami Hank. Alors ce soir, on va sans plus attendre décortiquer le show du mardi 2 août qui se déroulait à Nashville, Tennessee, et qui redémarre précisément là où s'est arrêté Raw le lundi précédent, puisqu'on se retrouve avec Shane McMahon, Daniel Bryan et ce bon vieux Randy Orton. C'est l'heure de la réprimande pour Orton. On vient l'engueuler parce qu'il est venu à Raw et qu'il a tapé sur Brock Lesnar. Shane lui explique qu'il va y avoir des répercussions parce qu'on n'a pas fait une brand split pour qu'il y ait des stars de Raw qui débarquent à SmackDown. Et donc on découvre qu'il y a un service de sécurité. Shane glisse quand même rapidement que c'est quand même bien cool, sa petite intervention à Raw. Quand même sympa. Et Randy Orton, lui, de son côté, il demande, voilà, est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'il y ait tout ce service de sécurité? Voilà, lui, il n'a pas peur, mais bon, Shane lui explique que, voilà, hein, il faut quand même protéger l'émission, il faut faire attention si Brock Lesnar veut venir se venger, et que donc, c'est vraiment indispensable. Là-dessus, ils repartent, hein, ils vont, je sais pas, retourner à leur bureau, quelque chose comme ça, mais ils sont interpellés par Maryse et son mari. Et donc le Miz, hein, le champion intercontinental, vous le connaissez. Oui, et oui. Il est toujours dans son trip hollywoodien et il se plaint un peu de son traitement à SmackDown. Il explique que voilà, lui quand il a gagné, donc c'était au dernier pay-per-view, c'était Battleground si je dis pas de bêtises. Quand il a gagné son match, personne n'est venu le féliciter comme ça a été le cas pour Dean Ambrose. C'était la fête complète alors qu'il a ramené, il a conservé le titre pour SmackDown. Il n'a pas eu de remerciements. Ce sur quoi Daniel Bryan, pardon, lui rétorque que de toute façon, lui, il voulait pas le drafter au départ. Il n'était pas content de le drafter. Lui, tout ce qu'il voulait drafter, c'était le champion intercontinental. Et que ce soir, justement, on va définir son nouveau challenger et qu'on aura un triple threat entre Apollo Crews. Je crois qu'il écorche le nom d'Apollo Crews d'ailleurs. Oui, Apollo Creed. Apollo Creed, voilà. Bon, ça arrive au meilleur. Et qui est dans le match? Le petit Kalisto, le petit Luchador, et le Lone Wolf, Baron Corbin, le favori des foules. Donc voilà, c'est gagné pour le Miz, il a bien fait d'ouvrir sa gueule. Et du coup, les deux GM, ils repartent, on se dit que ça va être fini. Mais il croise encore le champion Dean Ambrose qui débarque à la cool et qui leur dit bah écoutez, moi là je vais monter sur le ring, je vais aller discuter avec Dolph Ziggler. Et puis bah ils lui disent bah c'est bien, t'as qu'à faire ça. Et puis c'est le générique et on arrive au début de l'émission avec le Dean Ambrose des familles qui va au ring hein, comme tout le monde. On remarque qu'il y a désormais des statistiques qui s'affichent quand un superstar apparaît. Oui. Alors c'est un peu ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de rookies dans l'émission, donc il n'y a pas grand-chose dans les statistiques généralement, à part leur début, en 2016, 2015. Il y en a des très drôles, on verra. Mais... donc voilà, donc Ambrose arrive sur le ring. Donc là, il va y avoir une séquence assez longue. Où Ambrose commence déjà par expliquer que voilà, lui il en a bavé pour en y arriver là, et que récemment il a dû terrasser ses deux anciens frères du Shield, notamment à Battleground, et maintenant il s'agit pour lui de construire son héritage. Et il commence un peu à bâcher Dolph Ziggler rapidement, et puis il l'invite à venir sur le ring pour discuter. Là, Ziggler débarque, petite pop, le visage fermé, il est tendu, il prend la parole. Et il dit à Dean Ambrose, je suis content de te raffronter, toi et moi on est un peu pareil. Et là Dean Ambrose le coupe tout de suite, il dit non, je t'arrête tout de suite, on n'est pas pareil. Toi t'es un frimeur, moi je suis un faiseur, ça se passe pas comme ça. Ambrose il étale son CV, et Ziggler finit par le reprendre en lui expliquant que de toute façon tu parles beaucoup, mais toi quand t'as commencé t'es arrivé avec le Shield, tes deux potes, vous étiez une équipe SWAT team, voilà, vous avez tout cassé, t'es arrivé au top, et puis maintenant t'es le champion, voilà, point barre. Et moi, quand j'ai commencé, je suis arrivé en cheerleader mâle, quoi. J'étais un pom-pom girl. Il faisait référence donc au Spirit Squad, hein, quand il a commencé, où effectivement, il faisait partie d'un groupe de 5 cheerleaders qui faisaient des conneries. travaillait pour Vince McMahon, il était assez ridicule. Ils se sont fait humilier souvent par DX. Oh, oui. Voilà, beau palmarès. Et donc là, c'est Ambrose qui reprend la parole et il explique à Ziggler que de toute façon, Ziggler, il est trop soucieux de l'avis des autres, qu'il se soucie trop de son image. Il est trop appliqué à voler le show. Alors que lui, Ambrose, il en a rien à foutre. Jamais rien à foutre. Lui, il vient et gagne. C'est un winner. Et il explique que de toute façon, à SummerSlam, ça va se passer comme ça. Ziggler, il va encore une fois voler le show, mais il va perdre. Là, Ziggler, il s'enflamme. Là, c'est parti pour la promo de sa vie. Ah ouais, là. On lui a dit, hein, il avait annoncé hein, qu'il lui fallait 3 minutes pour aller lancer sa grosse promo. Alors, il nous raconte que bah, quand il était petit, il regardait le catch et puis il voulait devenir catcheur. Et que tout au long de sa carrière, il a été déprécié, critiqué, sous-estimé. Mais il est le mec, lui, qui va arriver à SummerSlam, il va tout casser, il va foutre le feu, il va péter la gueule à Dean Ambrose et il va repartir avec la ceinture. Parce qu'il est bon à ce point. That's how good I am. Oui. Et Ambrose, il y a bon, la foule s'enflamme, hein, c'est vrai, il va lui casser la gueule, tout ça. Et Ambrose, lui, il reste stoïque, il le regarde et il lui répond non, tu me battras pas, parce que t'es pas aussi bon que tu le crois, en fait. Hein. Et il cloue le bec et il quitte le ring. Voilà, donc Ziggler est là, un peu penaud, quand même énervé. Et pam, la lumière se coupe. Le petit bruit, le petit flash habituel, et boum, apparition surprise de Bray Wyatt, le nouveau visage de la peur, qui perd pas de temps, il porte un Sister Abigail direct à Ziggler, Ziggler est KO, séché, et Bray Wyatt il commence à palabrer comme il le fait d'habitude, et il lance un défi à Ziggler inanimé, et lui dit, moi je te joue ton spot à SummerSlam, ce soir on s'affronte, si je gagne c'est moi qui vais affronter le champion, si je perds, c'est pas moi qui vais affronter le champion, c'est toi, mais parce que je vais gagner quand même, je suis assez sûr de moi sur ce coup-là. Et et Ziggler ne dit rien, parce qu'il est toujours... il est toujours KO. KO. Petite page de pub, et après la réclame, Ziggler il s'est relevé, il est backstage, et il dit, allez-y, c'est parti pour le match, il vient engueuler Shane McMahon... Allez, c'est parti, t'as intérêt à faire le match, je te casse ta gueule. Et juste un petit truc quand même, la façon dont tu l'as présenté, on a l'impression que y a aucune raison pour Ziggler de faire le match. Il lui dit quand même que si Bray Wyatt, il dit si je gagne, j'ai ta place à SummerSlam, et si je perds, t'auras prouvé aux gens que oui. Tu mérites que provoque son ego. Voilà, que tu mérites ta place et que t'es pas. Mais en même temps, il était sonné, il entendait rien. Parce que non, mais il a dû regarder le replay. Rapidement, alors. Parce que pas oui. Possible, mais bon, est-ce que ça change vraiment le problème? Si, parce que du coup, ça donne une raison. Enfin, on en parlera après, mais ça donne une raison à Ziggler de. Ça te fait casser la gueule, je pense que ça suffit. Mais bon, justement, c'est le moment de donner votre avis sur la séquence. Donc dites-moi ce que vous avez pensé. Hank qui a l'air motivé, vas-y. Oui, vas-y, Hank. Est-ce qu'on peut juste rajouter le passage où Ziggler est en coulisses et il parle avec Brian et Ah oui, et Shane. Il était en train d'en parler quand tu l'as coupé. Ouais. Oh oui, non mais il me demande mon avis après. Non mais donc du coup il y a la séquence juste après où il y a Shane et Brian qui lui disent mais pourquoi t'as accepté ce match, t'as tout à y perdre et rien à y gagner. Et là donc du coup il dit non, je veux prouver au public qui est pas convaincu, à tous les gens qui. Ah tu veux dire la séquence qu'il y a plus tard dans l'émission. Ouais voilà. Oui, un peu plus tard. Okay. Mmh. Tous les gens qui pensent que on m'a donné un title shot un peu gratuitement et machin. Donc voilà, j'ai adoré. Mais j'ai tellement aimé cette séquence. Genre tout était tellement bon dans cette séquence. Ziggler, Ambrose qui souligne tout ce qu'on sait sur Ziggler en fait. Et qui arrête pas de répéter, oui, t'arrêtes pas de te plaindre que c'est l'autorité qui te rabaisse et machin, et t'arrêtes pas de chouiner pour ci, de chouiner pour ça, ce qui est totalement vrai, hein, ouais. Quand on suit Ziggler sur les réseaux sociaux, etc. Et Et de l'autre côté, Ziggler qui explique, donc du coup, dans le passage que tu racontais un peu plus en détail, à un moment, il parle du fait que il était sous-estimé ou alors surestimé, genre t'es trop bon en fait pour ce match, ou on lui dit t'inquiète pas, t'auras autre chose, mais là, t'as un trop gros niveau technique pour partir dans ça ou ça. Et la fin où il dit je brûlerai Brooklyn pour gagner ce match, etc. Il était excellent, Ziggler. Et Ambrose pareil, parce que Ambrose, alors je comprends pas trop, si je suis sur le forum des cahiers du catch, on fait un petit peu notre sauce personnelle là, mais sur le forum des cahiers du catch, il y a des gens qui pensent que Ambrose avait une attitude de heel. J'ai pas trouvé qu'il avait une attitude de heel. Moi, j'avais trouvé qu'il était en train de justement titiller un peu faire le psychologue de Ziggler, quoi. Lui soulever tout ce qui va pas dans sa mentalité, etc. Vraiment excellent de bout en bout. Donc on verra la suite. Même la suite est très très bien jouée. C'est vraiment s'il y a un point qui fait que le SmackDown de cette semaine pour moi est bien au-dessus de Raw, c'est cette rivalité, c'est tout ce qui s'est passé autour de ça. Voilà. Ouais, moi je suis à 100% d'accord. C'était absolument fantastique comme segment, comme booking, comme tout, il y avait rien à redire. La promo était juste parfaite. Elle sonnait tellement juste, en fait. Elle sonnait juste à tous les niveaux pour les deux personnages. C'est exactement le personnage de Dolph Ziggler qui a été dépeint par Dean Ambrose, et c'est exactement le personnage de Dolph Ziggler qu'on a tous envie de voir, que Dolph Ziggler a joué en fait. Donc c'était juste parfait, parce que il s'est positionné comme exactement comme il fallait. La promo, Ziggler, les deux étaient excellents dans deux styles mais complètement opposés, parce que Dean Ambrose il a vraiment c'est une sorte de variante de son personnage qu'il a vraiment maintenant bien réussi à installer. Où tu sens qu'il a une réaction quand même de mec un peu instable, un peu fou, et tu vois cette façon qu'il a de complètement balayer d'un revers de la main, genre juste d'une parole, une promo genre de Dolph Ziggler qui était endiablé, tu vois, qui a duré genre 4-5 minutes, où il lui déballait, il vidait son sac, et t'as Dean Ambrose qui est là, non, non, tu me battras pas. Tu vois, t'as envie de te dire, c'est tellement Dean Ambrose, ça. Tu vois, genre, c'est exactement comme ça aussi que t'as envie de le voir. Genre, il en a rien à péter. Dean Ambrose, tu l'as dit, c'est un faiseur. Lui, il casse la gueule, il se pose pas de questions. Et genre, qu'est-ce qu'il en a à foutre que Dolph Ziggler vienne lui faire ses états d'âme devant lui comme ça? Donc, non, tu me battras pas. Et en face de lui, t'avais un Dolph Ziggler, mais je l'ai jamais vu habiter comme ça. C'était exceptionnel. On sait qu'il est excellent au micro. On a eu trop peu l'occasion par le passé de le voir vraiment se lâcher. Mais se lâcher pour lui, pour sa carrière, pour son personnage, de faire une promo sérieuse. Il était toujours dans des trucs un peu pourris, des love stories à la con. Son personnage de heel, il était ridicule. Il n'avait pas l'opportunité de donner cette facette-là de lui. Et là, c'était juste exactement ce qu'il fallait. Et après le segment backstage, c'était vachement bien, parce que t'as envie de leur dire à Shane et Daniel Bryan, mais genre occupez-vous de votre cul, les mecs, genre pourquoi est-ce que vous venez lui dire de pas remettre son title shot en jeu, il fait ce qu'il veut, quoi, genre ils font, oui, vas-y. Juste un truc que j'ai oublié de dire, est-ce que un autre truc que j'ai adoré, c'est que au moment où il parle avec Shane et Bryan, donc les mecs ils lui disent ouais, pourquoi tu risques ça, etc. Et puis oui. Donc voilà, et au début Shane et Bryan disaient ouais, on croit vachement en toi et tout, et tu sentais après que en fait ils croient pas du croit pas vraiment en lui, et la fin de cette séquence, il dit allez vous faire foutre. Et tu sens qu'il y a un problème, enfin c'est assez bien raconté comme histoire, c'est assez profond quand même. Tu sens qu'il a vraiment un vrai problème de confiance en lui, et du coup cette provocation fait qu'il accepte. Et en même temps, le fait que Shane McMahon et Daniel Bryan soient là pour lui dire mais non, mais pourquoi tu fais ça, t'as rien besoin de prouver, patati patata, genre t'as pas besoin, ça ils le font, personne, ils font jamais ça. Quand que ce soit heel ou face, quand t'as un mec qui veut remettre son title shot en jeu, les figures d'autorité se mêlent jamais de la question. Et là, le fait qu'il le fasse pour Dolph Ziggler, ça donne un côté très paternaliste, très limite il l'infantilise vachement en en faisant ça, mais genre, mais non. Et le mec, et du coup, Dolph Ziggler a raison. Tu fais, allez vous faire mettre. Genre, je fais ce que je veux et je vais vous montrer que je suis that damn good, comme il dit, là. Donc, c'est vachement bien. Alors, genre, tu, moi, je sors de ce SmackDown. Je me dis, putain, Dolph Ziggler, il va tout défoncer, quoi. Genre, ça y est, il est parti, quoi. Et ce qui fait que moi c'est je vais commencer à en parler un peu sur le forum, mais je vois bien ça comme peut-être une petite graine de heel turn futur sur ce thème-là, parce que on met tellement l'emphase sur le manque de confiance qu'on a en Dolph Ziggler que s'il perd à SummerSlam, ce serait absolument dévastateur pour tout le discours qu'il a tenu. Donc du coup, s'il perd, je me dis que ça peut ouvrir le chemin vers un heel turn assez violent, qui peut être pas mal aussi. Ouais, c'est la réserve que j'aurais un peu sur la séquence, c'est-à-dire que si après Dolph Ziggler il perd, oui, c'est terrible, il aura fait un peu ça pour rien, oui, quoi. Mais après c'était vraiment effectivement une très belle séquence, bien foutue avec de l'intensité. Voilà, un Ziggler comme on a rarement vu, quasiment jamais, hein, de toute façon. Oh, oui. Et puis Ambrose, moi j'aime bien ce personnage d'Ambrose là, beaucoup plus que le cartoony hardcore. Ah oui, voyez, c'est tellement mieux. Voilà, c'est le champion, il vous emmerde, il viendra, il cassera la gueule à tous ceux qui viendra, même si c'est un babyface, même si c'est Brock Lesnar ou n'importe qui, et que ce soit le favori des foules, c'est pas son problème. Voilà, il va pas faire pote avec lui, c'est son ennemi, et voilà, s'il doit lui monter le cerveau et lui faire des, taper là où ça fait mal, ben, il le fait, il s'en fout. Non, vraiment un bon début de show. Et puis ça construit parfaitement le pay-per-view. Hein. Voilà. Autre chose à ajouter ? La personne non. qui pianote à l'ordinateur, peut-être ? C'est pas moi. Non. C'est pas moi. Peut-être que le craquement de mon parquet, c'est possible, je sais pas. Enlevez le parquet tout de suite. Alors, on va enchaîner, hein, du coup. Oui. La suite du show, c'est le Triple Threat, donc qui avait été annoncé un peu plus tôt. Où on voit Apollo Crews, Baron Corbin et Kalisto s'affronter pour la place donc de challenger numéro 1 pour le titre ici à SummerSlam. Donc on a la Miz et la sublime Maryse qui sont à la table des commentateurs. Et le match démarre, donc Corbin prend tout de suite le dessus en distribuant les droites sur les deux adversaires. Il tente de projeter Kalisto sur Crews, mais le Luchador esquive son adversaire par une pirouette, ce qui permet à Crews d'attaquer Corbin et de lui administrer un joli coup de pied à la volée qui fait basculer le loup solitaire par-dessus la troisième corde, ce qui arrivera assez souvent dans le match. Kalisto tente alors un roll-up sur Crews pour un compte de deux. On s'engueule vite fait entre les deux. Kalisto évite une corde à linge, mais se mange un coup de bélier. Corbin à l'extérieur baisse la troisième corde, ce qui fait basculer Crews, emporté par son élan hors du ring. Corbin, il se mange tout de suite un topette suicidal de Kalisto. Là, ils sont donc les trois sont à l'extérieur du ring, ils sont sonnés, c'est la coupure pub. Et là, au retour de la coupure pub, on retrouve Corbin dominateur au centre du ring. Les deux autres sont allongés dans le coin du ring, chacun d'un côté. Et on se découvre que Corbin a laminé Crews pendant que ce dernier tentait de porter une powerbomb à son finish, hein, sur Kalisto. Voilà, Corbin est arrivé derrière et il a explosé. Donc les autres se relèvent là péniblement chacun dans son coin du ring et Corbin enchaîne les avalanches sur les deux adversaires. Mais Crews finit par esquiver. Il traverse la diagonale pour faire à son tour une avalanche sur Kalisto. Mais quand il essaye de faire de même sur Corbin, il est cueilli par un Bigfoot. Kalisto utilise Crews comme un marchepied et porte un Hurricane Rana à Corbin qui se retrouve une nouvelle fois à l'extérieur du ring. Kalisto tente un crossbody sur Crews qui le bloque et lui administre un puissant syndrome droite. Ça, c'était très impressionnant. Crews tente de le tomber. Kalisto se relève au compte de deux. On a un plan sur la belle Maryse. Crews esquive une corde à linge portée par Corbin, mais il ne peut pas échapper au Big Six. Là, Corbin tente de le tomber. Compte de deux. Un nouveau plan sur la belle Maryse. Corbin invective l'arbitre. Un petit retour sur Maryse. Corbin administre un coup de pied et coup de genou à ses adversaires avant de se faire cueillir par un double kick de Kalisto. Joliment exécuté aussi. Il se mange quelques coups de poing de la part de Crews. Pendant ce temps, Kalisto escalade le coin du ring. Il tente un hurricane rana sur Corbin qui réussit à le bloquer pour tenter de faire une powerbomb. Mais Crews en profite pour lui lancer un bon dropkick dans le dos, ce qui permet à Kalisto de boucler son Hurricane Rana et de faire passer à nouveau Corbin par-dessus la troisième corde. Mais le Luchador n'a pas le temps de pavoiser, il est cueilli par un vicieux roll-up qui dont il ne se dégagera pas, pardon. Et Cruz remporte la victoire sous les yeux de la belle Maryse. Donc Cruz est victorieux, il quitte le ring. Corbin, ce mauvais perdant, il vient passer à tabac le pauvre Kalisto, hein, il attaque par derrière et puis il lui met quelques coups de savate là pendant qu'il est par terre. Là, Cruz, comme un seul homme, il revient pour aider le petit Mexicain, mais il est attaqué dans le dos par le mari de Maryse, le Miz, que vous connaissez bien, le champion intercontinental, qui lui porte son Skull Crushing Finale. Alors le Miz, il pavoise un petit peu, hein, il est content, mais là, surprise, Corbin le chope et lui porte son End of Days. Et on revoit encore un petit peu Maryse. Ah, elle porte la ceinture. Juste pour le plaisir. Voilà. Nichon, catch, nichon. Voilà. Nichon, très beau, nichon. Très beau spectacle. Et puis Corbin quitte le match, hein, triomphant. Voilà. Il a perdu le match, mais il a mis une bonne claque au champion intercontinental. Et donc voilà, bah, ça se termine sur ça. Cruz partira à SummerSlam. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? On va donner la parole à Giscal. Ah, bah écoute, alors déjà, félicitations, très bonne description. J'ai revécu le match dans ma tête. C'était très précis. J'ai encore les images là avec moi maintenant. Est-ce que tu as les images de Maryse surtout? J'ai pas mal les images de Maryse. Oui. écoute, bien. Un bon petit triple threat. Franchement, pour un triple threat de 6-7 minutes, j'ai eu l'impression. Enfin ouais, c'était un bon condensé de toutes les bonnes choses qu'on peut faire dans un triple threat. Donc j'ai trouvé qu'ils avaient très très bien exploité le peu de temps qu'on leur avait donné. Donc c'était vraiment du bon boulot de la part des trois dans trois styles différents. Ils ont bien tout exploité, toutes les ficelles du triple threat. C'était très sympa à suivre. Bon, j'ai pas de spot en particulier qui me viennent en tête, si ce n'est ouais le Samoan Drop, je suis d'accord, qui était vachement cool de Cruz sur Kalisto. Mais sinon bah voilà, un bon petit match pour ouvrir le show. À voir. Je pense que c'est un modèle de ce qu'on peut faire avec peu de temps pour un match comme ça. Et sur le résultat, c'est le bon gagnant, ça semble évident. Kalisto a déjà eu un petit run là avec le titre US. Il fallait forcément envoyer un face sur le Miz, donc c'est Apollo Crews qui s'y colle, et puis c'est bien. Et voilà, ça va être un vrai test pour lui. Il va falloir lui donner sa chance dans un match qui compte, du coup d'accrocher avec le public, de développer son personnage auprès du public. Donc ça va être vraiment un gros test pour lui. Et puis sinon, une dernière petite chose, j'ai bien aimé le beatdown derrière de Baron Corbin, qui en profite pour en mettre une au Miz, parce que du coup, même si je l'aime pas, moi personnellement ça me ferait chier qu'il soit pushé, mais en tout cas je comprends la logique derrière. Je trouve que c'est plutôt intelligent parce que ça lui permet de rester présent dans l'esprit, disant bah voilà, ça reste un mec sur qui il faut compter. On plante éventuellement des graines à l'avenir pour le titre intercontinental. C'est pour ceux qui n'auront pas écouté Raw, qui n'auront écouté que le supplément SmackDown, je trouve que justement c'est très bien ça de définir un petit peu une sorte de mini title scene pour des titres secondaires, de donner un petit peu des têtes au public, de dire bah voilà, ça c'est genre ces gens-là, Kalisto, Baron Corbin, Apollo Crews, The Miz, bah voilà, c'est un petit peu la title scene intercontinentale, et du coup après SummerSlam, il faudra sûrement compter avec ces gens-là. Donc c'est bien, c'est la même chose que ce qu'ils ont fait avec Cesaro et Sheamus sur le titre US. Je trouve que c'est bien, c'est intelligent. Donc voilà, bon très bonne ouverture, bon booking dans l'ensemble, je suis content. OK. Hank, c'était bien. C'était bien. C'était pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que dit Giscal. Non, mais oui, très très bon match. Alors, je vais me faire bouer. Moi, j'aurais fait gagner Corbin. Mais parce que j'aime bien Corbin. Ouais, mais Corbin Miz, ça fait un peu de. Ah oui, là, ça fait oui. C'est vrai, ça fait il contre il. Après, le Miz, je sais pas, c'est particulier. C'est pas il, c'est il a une figure. Il a vraiment une place assez particulière, je trouve, en ce moment, qui est une sorte de mélange entre le vétéran, le heel un petit peu et l'entertainer, et donc du coup ça fait que on remarque pendant tout le match, et il le fait à chaque match maintenant quand il commente, il met over tout le monde en permanence. Il dit regardez, c'est vraiment les meilleurs athlètes qui se battent pour ma ceinture et tout ça, et il faut lui rappeler au bout d'un moment que oui oui mais tu vas avoir un match, et là il dit oui oui mais je vais gagner, mais sinon t'as l'impression que c'est un gros fan de la WWE qui est en train de commenter le match. Donc voilà, et non le match très très rythmé. Callisto était fantastique, hein. J'ai trouvé Callisto très très bon. Les trois ont fait un très bon boulot, et j'ai trouvé très intelligent, ouais, de mettre Corbin en grosse brute à la fin, qui met tout le monde à terre. Enfin, qui met tout le monde à terre, je sais plus qui met à terre. Enfin, il y a Miz et peut-être que quelqu'un d'autre. Callisto, Cruz. Ouais. Non, il y a que Cruz qui était déjà à terre. Mais bref, et j'adore ces finishers, Corbin. Franchement, le Deep Six, le End of Days, je trouve qu'ils ont vraiment un super impact. Lui, il mesure 2 mètres. Enfin, tu vois, tu vois le coup. Donc voilà. Et puis, autant pour Cruz. On verra. Faut qu'il se bouge là, hein, parce qu'on va pas lui en donner 50. Non. Des occasions. Ouais, ça va être important, je pense. C'est l'occasion de Cruz. Et puis ouais, non, moi j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que vous avez dit. Il faut un mec comme Corbin, je pense, dans le roster. C'est quand même important qu'il soit là, même si il est de moins en moins limité en même temps sur le ring. Plus ça va, plus il fait des matchs corrects, surtout dans un triple threat comme ça. Il fonctionne bien. Ça fait plaisir de voir Cruz dérouler un peu son catch et voir qu'il peut faire un peu plus que ce qu'il nous montrait jusqu'ici. Callisto, on voit quand même qu'il est super doué. Et voilà. Alors, du coup, ça c'est fait pour un match très court comme ça. Effectivement, on est sur un match parfait quand même quasiment. Hein. Un peu l'exemple à suivre pour ce type de petits matchs comme ça. Voilà. Après, pour The Miz, je pense que t'as vu juste, Hank. Hein, c'est un grand fan de la WWE, ça, c'est sûr. Aussi et surtout et c'est pour ça que voilà, quand il est au commentaire il se laisse aller et, il oublie peut-être un petit peu son personnage, mais il y en a beaucoup aussi qui pensent qu'il devrait être juste au commentaire et arrêter sa carrière de catcheur. Maintenant, quand on regarde un peu le Miz, il a un petit peu, même si c'est un bon champion intercontinental, il est pas vraiment à sa place, parce que s'il a fait le main event de WrestleMania, il devrait être au-dessus. Là, il est là et il sert les jeunes, c'est assez admirable. Mais on a besoin de lui au micro. Il y a très peu de gens qui mettraient aussi bien le micro que lui. Hein. C'est ça aussi. Il est tellement fort. Voilà, malgré ses faiblesses, il a ses avantages. Il est souvent critiqué, mais pour moi, c'est un des piliers du show. Hein. Tu peux difficilement faire sans. Quand il est pas là, tu sens l'absence quand même. Mais en tout cas, pour le coup, c'était un bon match d'ouverture, hein, pour cette soirée. Voilà, bah on va passer à la suite et on va passer au show stealer de la soirée. Becky Lynch contre Eva Marie. Alors la division des gonzesses, comme on dit, hein, on a une division Woman Arrow et on a une division des gonzesses à SmackDown. C'est ça. Donc Eva Marie, elle renouvelle son entrée avec sa présentation interminable, avec une voix off grandiloquente, qui est ça, je trouve que ça fonctionne bien. Mesmerizing. Voilà, on dirait un film du dimanche soir. Ouais. Elle est très embottée, hein. Elle a un petit problème technique avec son espèce de robe, parce que il y a son col qui se prend dans ses cheveux, alors ça donne pas l'effet souhaité, mais bon, elle est très embottée. Donc elle descend le ring, puis après elle monte dans le ring, hein. Becky Lynch est déjà là. Elle salue la foule, elle monte dans le coin du ring, elle fait des bisous, tout ça, et bien elle saute, et pour revenir sur le tablier du ring, et là visiblement elle se fait mal, visiblement un claquage de la cuisse. Et là le claquage quoi. Bon, c'est une, en même temps voilà, quand on fait des prises à risque, forcément ça peut arriver. Voilà, Neville peut en témoigner, je veux dire, ça arrive, catcheur acrobatique, tous les high flyers connaissent les risques, hein, maintenant. Les spectateurs s'inquiètent, les commentateurs sont un peu bouche bée, on fait venir une intervention du médecin, avis médical, elle ne peut pas continuer le match malheureusement. Même pas de commencer d'ailleurs. Voilà, oui. elle ne le commencera pas. On annule le match. Et donc, elle est raccompagnée en coulisses hein, par le staff médical, l'arbitre, etc. Il y a beaucoup de monde pour s'occuper d'elle. Et on bascule dans un segment plateau, un segment un peu inédit, qui est présenté par la ravissante Renée Young. Donc ça ressemble un peu au panel hein, que vous avez habituellement quand il y a un pay-per-view. Renée Young qui reçoit Carmella et on comprend qu'elles sont là pour débriefer le match Becky Lynch et Eva Marie. Et bah, on se demande bien de quoi elles vont parler vu que du coup il n'y a pas eu de match. Et heureusement, Natalia débarque. J'allais dire la ravissante Natalia, mais Natalia débarque. Chacun son style, hein. Voilà. Et elle est pas contente, alors elle demande bah, pourquoi c'est pas moi qui suis interviewé, Carmella, qu'est-ce qu'on s'en fout, j'ai discuté avec mon oncle Bret Hart là, le week-end dernier, on parlait de la division féminine, on était d'accord pour dire qu'à la division féminine quand même il faudrait une reine, voyez, et moi ça tombe bien, je suis la Queen of Heart. Et là, Carmella, hop, Cosette, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je suis la princesse de Staten Island, donc je vais pas me laisser passer devant pour tout ce qui est royauté à SmackDown. Je sais pas si ça mérite autant de détails quand même. Ah, il fait son boulot. Il faut hein. quand même prendre les tenants et les aboutissants, sinon les gens sont perdus. Je suis perdu dans ma. Donc en gros, elle s'engueule, l'autre elle la traite de folle au chat. Natalia ouais. dit je serais bien content de te donner une leçon. Elle se casse et je sais pas, elle va acheter un Mr Freeze, je sais pas ce qu'elle va faire. Ses copines. Et puis du coup elles auront un match plus tard dans la soirée à deux doigts d'être le show stealer. Donc Carmella arrive sur le ring, elle essaye de faire sa petite promo façon soft, mais elle se fait attaquer dans le dos par Natalia, heureusement, qui la met à terre et qui lui porte le sharpshooter. Et voilà ce qu'il en est de la division féminine à SmackDown. Qu'est-ce voilà, que voilà. vous avez pensé? Est-ce que vous voulez en parler ou est-ce que vous voulez qu'on passe à la suite? Ça peut être très rapide. Hein. Je crois que c'est le seul passage du show que j'ai trouvé nul. C'est vraiment c'est ça. C'est ça. Mais voilà. Mais enfin, j'en parlais la semaine dernière. Carmella, je sais pas comment elle pourrait se rattraper, mais il faut pas qu'elle continue comme ça, parce que son personnage. Et pas attrayant, ça ressemble à des divas quoi. Enfin, elle a un personnage de diva. Eva Marie, ça va parce que elle joue genre l'extra diva en fait. Elle joue la pire diva du monde quoi. Donc du coup c'est sa nouveauté finalement. C'est qui la troisième? Natalia. Natalia, non. Stop. Mais le seul truc qui était marrant, c'est le fait que elle est encore jouée sur la carte de genre mon père. Mon oncle. Elle parle jamais de son père. Il mentionne jamais son père. Non, jamais. C'est non. C'est pas son père, c'est vrai. Son oncle. Brett et moi, nous étions en train de parler, blablabla. Enfin, ça c'était le seul moment vaguement drôle. de la séquence parce qu'elle faisait un peu sa connasse, mais sinon voilà, enfin y a rien à dire. Je pense qu'ils font passer à tabac Carmella pour après la lui donner un peu de pop au niveau du public, ouais. pour qu'elle apprenne en pitié, j'ai envie de dire. Mmh. Écoute, c'est, comme, ouais, c'est, comme c'est Becky Lynch, tu veux dire, qu'elle se fasse tabasser. <Ouais. rire> Ouais. Ça a bien marché pour Becky, hein. Ça a bien marché. Ouais. C'est un peu la Bérésina, alors. Non mais là c'est pas bon, attends, tu peux pas. Donc en fait il y avait deux matchs de bouquet à SmackDown pour les filles ce soir, ouais, et il y en a eu zéro. C'est ça. En fait, donc c'est quand même incroyable. En fait c'est comme si les bookers avaient programmé les matchs et ensuite c'était maté le match et avaient fait non, c'est pas bon. Bon, on les a déjà marqués sur la carte, les gens les attendent, donc du coup on va juste les annuler mais genre au bout de 10 secondes. Oui, ça ressemble à ça. Hein. Je pense qu'ils ont, ouais. ils ont renoncé à faire catcher Eva Marie. On va voir. Moi, j'attendais un. Non, mais franchement, c'était. certains peuvent trouver ça marrant parce que ça peut devenir une gimmick, j'aurais fait semblant de... Mais ça aurait été bien de donner un squash à Becky, hein. Moi ça m'aurait plu. C'est pas faux. Ouais, pourquoi pas, hein. Mais bon. Ouais, moi, j'ai rien de spécial à dire là-dessus. Je dis, enfin, c'est juste que c'est nul. Je suis très inquiet pour la division féminine à SmackDown. Donc, je sais pas comment ils vont faire, parce que c'est une catastrophe. C'est dommage parce que Eva Marie, il y a peut-être une bonne idée derrière. Il y a peut-être un embryon de bonne idée derrière. Ça peut faire une bonne heel, je pense. Mais c'est pas comme ça. Enfin, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Je pense que le coup de la blessure simulée, c'est une fausse bonne idée, parce que son entrée, c'est vachement bien. Enfin, c'est bien son entrée. C'est typiquement, tu vois son entrée, tu te dis, enfin, t'as envie de la huer, quoi. Enfin, c'est oh connasse, tu te prends pour qui? Mais par contre, après le coup de la blessure, c'est comme ça avec les femmes. Mais elle est trop détestée, mais dans le mauvais sens du terme, pour que ça marche. Enfin, je sais pas s'il y a un bon sens, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a des bonnes huées, il y a des mauvaises huées. Elle prend vraiment des mauvaises huées, c'est-à-dire que les gens n'ont pas envie de la voir. Dégage, casse-toi. Elle devrait être en tag team avec Emma. Ah bah ouais, ça marcherait pas mal. Mais du coup, tu vois là, la fausse blessure, ça arrange tout le monde. Le public est super content, ça fait pas du tout heel aux yeux du public. C'est juste le public est trop content, genre Eva Marie se casse, bon bah c'est super. Et puis bon bah après Carmella, elle va droit vers l'accident industriel, je pense là, elle continue comme ça. Et limite, je pense que Natalia lui a rendu service en l'attaquant par derrière, parce qu'elle elle partait pour un gros bide avec son entrée là. C'est ça. Qu'elle a toujours pas eu l'opportunité de faire en entier, du coup, parce que la semaine dernière c'était des micro entrées de 10 secondes, donc elle l'a pas faite. Cette semaine elle l'a pas faite. J'ai envie de dire tant mieux. Mais bon, elle va droit au bide, hein, donc. Sans soft, ça marche pas son. Non, son ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, rien d'autre à dire. Moi, j'en suis à me demander s'il y a vraiment besoin d'une division féminine à. Non. Moi, c'est l'erreur, bon, moi, je trouve. Ils ont annoncé, je crois, qu'ils vont faire une ceinture quand même pour les. Ouais, mais c'est pas possible. On verra bien. On va passer à la suite avec le premier match des American Alpha qui débarque de NXT. Ouais. Et qui affronte les votes vilains. Donc du déjà vu si vous suivez NXT, mais de l'inédit pour les fans. Ah, c'est pour moi, c'est de l'inédit. Voilà, pour Giscal, c'est tout nouveau. Donc bon, déjà une bonne pop hein, pour les American Alpha hein, qui arrivent au ring et qui vont dominer tout le match hein, quasiment. Donc ça commence avec Chad Gable contre Simon Gotch. On commence par du catch technique au sol. Chad Gable hein, démontre un peu tout ce qu'il peut faire. C'est assez original par rapport au reste du roster. Il est vraiment très technique. Et il passe le relais à Jason Jordan qui claque un énorme dropkick. Voilà, c'est un big guy, mais il sait aussi claquer des dropkicks assez impressionnants. On va voir. Bon, ça va être surtout un déroulé de ce que peut faire American Alpha. Hein. On va avoir. Ouais, c'est un show match. Hein. Ouais. Voilà, double diving clothesline de Gable sur les deux votes vilains. Ils vont nous faire des double drop kicks synchronisés. Bon, à un moment donné, Chad Gable, il va être un peu passé à tabac, mais il réussit le hot tag. Et là, Jordan, il enchaîne drop kick, festival de souplesse dans tous les sens, son spear dans le coin du ring. Et les American Alpha finissent le match avec leur back suplex accompagné, là, leur prise de finition. Voilà, donc c'est vraiment un match de gala de présentation pour les American Alpha. Pas beaucoup de résistance de la part des votes vilains qui ont pas fait grand chose. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Très sympathique. C'était ce qu'il fallait. De toute façon, les gens ne les connaissent pas encore, donc voilà. Il faut tu vas pas leur foutre un match de 10 minutes ou 15 minutes quand ils arrivent, quoi. Mais donc ouais, et puis moi je les adore, j'ai le t-shirt j'ai pas le poster, mais c'est tout comme non, mais voilà, j'adore American Alpha et ils sont tellement marrants à regarder, enfin tous les enchaînements qu'ils font, Gable quand il est au sol qui fait ses petites pirouettes, ou genre il a une à chaque fois il fait une lock sur le bras du type, et puis après il commence à faire des trucs genre un bridge, une petite à sautiller un peu de partout. Donc voilà, c'est vraiment des pour le coup c'est des show off hein, comme ouais, ça fait là. Et puis voilà, enfin on si on suit un peu NXT, on l'a déjà vu ce match quoi. Mais voilà, et Jordan, c'est j'adore ses drop kicks hein, on a l'impression qu'il est à 2 mètres. Et voilà, il est super énergique. Non, nickel. OK. Et Giscal pour cette coup de pareil, pareil. Pour moi, c'était une. Bon, je regarde par-ci par-là NXT, donc je crois que je les avais déjà vus, mais bon, je les découvrais vraiment sur vraiment, enfin avec attention du coup, et j'ai été très impressionné. C'est une vraie. Enfin, quand tu les regardes évoluer, tu as l'impression vraiment de voir une vraie équipe, quoi. Enfin, tu sens que c'est du vrai catch par équipe, quoi. Il y a plein de combinaisons, d'enchaînements à deux. Plein de tags, enfin c'est un vrai match par équipe quoi. C'était super plaisant à suivre parce que finalement t'en as plus tant que ça des matchs comme ça, enfin des équipes comme ça en tout cas. Donc c'est super sympa. Bon après j'imagine que la comparaison a déjà été faite 1000 fois parce que mais moi je les découvre un peu, donc du coup ça ils m'ont fait instantanément penser aux Steiner Brothers que j'ai connus quand j'étais plus petit du coup parce que ils ont les mêmes petites combinaisons un peu bariolées. Il y en a un qui a les cheveux courts super baraque, il y en a un qui a les cheveux longs un peu plus petits. Enfin c'est exactement les Steiner Brothers, hein, c'est exactement ça. Et puis ils ont un peu le même style de catch, à la fois virevoltant et très puissant, beaucoup de moves par équipe. Donc c'est et j'adorais cette équipe à l'époque quand j'étais gamin et donc du coup ils m'ont fait très forte impression, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est en effet comme vous avez dit un show match, c'est un match de présentation. Ils ont déroulé tout leur attirail, très efficace pour ceux qui ne les connaissaient pas. Moi, la seule inquiétude, mais elle va bien au-delà du match en lui-même, c'est juste de savoir ce qu'ils vont vraiment pouvoir faire, parce que on arrive toujours à la même question, quoi. La division par équipe, finalement, il n'y a pas d'autre équipe, vraiment, à SmackDown. Il y a Breezango! Il y a Ascension! Ouais, si, ouais, c'est vrai, il y a Breezango, il y a Ascension. Bon, si, bon, il y a des équipes, quoi. Oui, il y a toujours cette Revival. Ouais, faut qu'il fasse monter. Et moi, il y a toujours cette histoire de ceinture qui me dérange, mais ça, c'est pas propre au tag team, hein, ça va aussi avec les divas. Cette histoire de ceinture me dérange, et manifestement, ils ont un potentiel magnifique, cette équipe-là. Ils ont l'air super, j'adorerais les voir, mais j'ai du mal à imaginer des feutres sans ceinture avec des vaudevillains, Breezango, machin. Et sauf que le vrai problème, moi, je ne veux pas qu'on crée d'autres ceintures. Ce serait une catastrophe. Je pense déjà que c'est pas bon du tout pour le titre mondial, à mon avis. Toi, tu me disais, Hank, qu'il y avait des rumeurs pour le titre féminin. Pardon, c'était Ringside. J'assume cette rumeur. Si c'est pareil pour le titre, enfin, moi, ça, c'est Ringside qui a lancé la rumeur. je pense que ce serait de très mauvaises idées, mais du coup, je suis un peu, j'attends de voir la suite pour eux, quoi. Ouais. Et ce qu'on n'a pas encore vu, le dernier truc, c'est qu'ils sont bons, enfin, Gable, il est super bon au micro. Ouais, oui, ça, j'ai pas vu encore ça, mais bon, je vous crois. Jordan, il s'est bien pleuré quand c'est des moments intenses, ils ont fait une grosse victoire. D'accord. Je pense que vous en avez parlé dans la partie sur Raw. Mais alors, par contre, moi, je suis pas du tout d'accord avec vous sur les ceintures, hein. Moi, je pense que ça peut pas fonctionner s'il y a pas de nouvelles ceintures par show, hein. Moi j'ai pas dit non. Hein. Pour les tag teams, je sais pas, je trouve ça. Bah, pourquoi ils vont se battre? Ça va être. Ouais, non, mais c'est vrai. Ça va être difficile de. C'est vrai que c'est compliqué. Mais donc moi, ça me dérangerait pas de toute façon. Hein. C'est pas, j'ai pas une. Peut-être parce que je suis le cash depuis pas si longtemps que ça, enfin ça fait 5 ans, un truc comme ça, et que avant j'avais juste regardé des matchs à droite à gauche, mais j'ai jamais eu une période catch quoi. Ça me dérange pas. Quand t'as démarré, il y avait plusieurs ceintures par équipe ou c'était déjà Ah, je sais plus. Je crois que les rosters étaient encore deux ceintures. Les rosters étaient séparés, mais je me souviens plus s'il y avait. S'il y avait quand les rosters étaient, enfin oui, si quand les rosters étaient séparés, il y avait non vers la fin, ils ont unifié les ceintures et les champions allaient à chacun des shows. Mais je trouve ça bien parce que on regarde SummerSlam par exemple, juste en prenant le Universal Championship, ça fait un main event de plus. Si c'était la même rencontre sans ceinture. Ça aurait un goût un peu amer. Donc du coup après le problème c'est qu'il y aura pas d'historique sur la ceinture universelle. C'est ça un peu le truc, c'est tu vois, je sais pas comment on fait. Est-ce que c'est un titre mondial Tu vois, genre, est-ce que c'est considéré comme un titre mondial? Est-ce que si jamais le titre, je sais pas, un jour, le titre universal part à SmackDown et le titre mondial part Ouais, ça peut à Raw, arriver. il s'inverse, ok, ça peut arriver. Qu'est-ce qui se passe si John Cena gagne le titre universal? Est-ce qu'il égale le record de Ric Flair en termes de titre mondial ou pas? C'est Tu vois, ça genre, la question. qu'est-ce que c'est ce titre en fait? Qu'est-ce que on comprend pas? Enfin, moi, je trouve que ça sème vraiment le trouble, enfin le doute sur le haut de l'affiche, sur les ceintures. C'est vachement compliqué. Voilà, ça Ah, tu y a veux dire quand que même de... t'aurais voulu juste un retour du heavyweight, quoi. Pourquoi pas? Ouais, parce que ce nouveau titre, c'est bizarre en termes d'historique de palmarès. Enfin, moi personnellement, pour moi, les histoires de statistiques, de palmarès, d'histoire et tout, c'est super important. Et je pense que pour la WWE aussi, d'ailleurs, aux États-Unis, ils ont vraiment cette culture du palmarès, de choses de toujours le rappeler, tout ça. Donc c'est bizarre, tu vois. Par exemple, il y a beaucoup de réponses, enfin il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas encore répondu sur le statut de ces titres et qui vont se poser aussi si on décide de créer une nouvelle ceinture par équipe, parce qu'ils vont pas ramener la ceinture Diva, c'est sûr, c'est Ouais, mais terminé. après, est-ce que, enfin, là, on se plaint maintenant, mais les fans qui seront là dans 20 ans, ils se plaindront pas Ouais, parce qu'il y c'est aura vrai. eu Non, un je sais. historique, C'est pour quoi. ça, pour l'instant, j'ai des doutes. Voilà, je suis un peu dans le flou parce que il y a beaucoup de questions sans réponse et je sais pas comment ils vont réussir leur affaire et j'ai de gros doutes. Après, peut-être que même ça se trouve pas plus tard que dans quelques mois ou juste, peut-être au prochain WrestleMania, je mangerai mon pain noir et je dirai que non, non, écoute, ça marche très bien. Ils ont réussi à construire quelque Ils chose vont de faire, vraiment cohérent, quoi. ils ont des pay-per-view séparés aussi, hein. Ouais. Ça va être compliqué sans, Écoute, avec pourquoi pas, hein, une ceinture, enfin deux ceintures dans ton pay-per-view. Ouais. C'est vrai que pendant très longtemps, il y a eu des ceintures séparées. Avant, il y avait deux titres par équipe, il y avait deux titres féminins. C'est vrai, ça a existé. Donc, a priori, pourquoi ne pas y retourner? Je sais pas, peut-être que je suis trop conditionné par les 5-6 dernières années qui se sont passées avec l'habitude de voir une seule ceinture, mais pour l'instant, je le vois pas trop. Je le vois pas trop parce qu'en plus, pour les divas et les équipes, je pense que les divisions étaient trop petites pour les séparer, donc ça va un peu trop dénaturer, je pense, le prestige des deux titres dans les deux shows Là, pour ces divisions-là. pour les femmes, il y a pas le roster. Enfin, je veux dire, Pour les le femmes, à roster mérite SmackDown, c'est pas une de ceinture, catastrophe. quoi. Enfin, pour C'est les... dommage. Tu vois, Bon, genre, si... Vas-y, vas-y, on coupe, je on vous coupe. avance. Voilà, Oui, on avance, on on fera avance. un débat là-dessus peut-être dans Ouais. une prochaine émission. La suite. Alors, il y a un petit clip sur John Cena qui est au Teen Choice, hein, ça c'est pour faire plaisir à Giscal. Voilà, bon, moi personnellement je m'en fous, donc on va passer à la suite. Oui, on peut. Cena et AJ Styles, la promo de la Ah, soirée. Donc promo du siècle. AJ Styles, il Oh, parfait, je déconne. la foule est complètement contre lui, désormais tout le monde le déteste. Il arrive, il traite Cena de fraude, mais il est vite coupé. Cena arrive direct et donc bah, il lui dit hein, écoute on va discuter hein, parce que c'est quoi ton problème là tu m'emmerdes depuis quelques semaines là ça va suffire maintenant et donc AJ Styles il a une petite promo de heel hein, il critique les gosses les parents il dit vous êtes plein d'illusions faites féliciter vos gosses quand ils participent, pas quand ils gagnent. Voilà, vous êtes fan de John Cena, mais John Cena, c'est une fraude. Et il lui demande, John Cena, qu'est-ce que tu fais encore ici? Qu'est-ce que tu fous encore ici? Je t'ai battu, t'avais dit que la jeunesse devait passer par toi, je t'ai défoncé, je suis passé à travers. Je comprends pas que tu sois encore ici. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu veux? Quitter, toi. Et Cena lui répond, moi, ce qui me motive. C'est l'amour, l'amour. Na na Voilà. na. Alors il explique que voilà, Riez, riez. il va dans les shows mainstream, au Tonight Show, tout ça, et à chaque fois on lui demande toujours la même question. Maintenant que t'es connu, maintenant que t'as dépassé le catch, quand est-ce que tu vas quitter la WWE? Et son plaisir à lui, c'est de répondre aux gens jamais, jamais. C'est ma maison, c'est ici que je serai pour toujours. Il dit à AJ Styles, il lui dit même, ouais, toi quand tu prends ton jour de repos là le vendredi ou je sais pas quoi, moi je suis là, je suis en train de faire des shows Mais ouais, mais à la c'est super télé, je ça. fais la promo, je connais pas le repos, moi je connais pas les jours de repos. Quand tu prends ton demi-jour de congé là, hein, Quitter pour voilà. prendre des RTT, C'est connard. ça, comme ça. Et donc, Edge Style, il dit, SummerSlam, on rend nos comptes et tout ça. Et Cena, il lui dit, écoute, j'ai bien envie de te faire fermer ta gueule, donc on se rend au rendez-vous à SummerSlam. Et après, Edge Style, il sort un truc un peu hasardeux. Il dit, tu vas avouer que Edge Style est meilleur que toi à la fin du match. Et si c'est pas vrai, c'est que t'auras menti. Et si c'est que t'es un loser. Donc de tous les cas, je suis gagnant. Ça marche moyennement, mais. J'ai pas tout compris non plus, mais bon. Ouais, c'était difficile de passer après la. Oui, c'était très compliqué. La sortie de Cena, hein, qui était en feu. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Oh, bah. Alors, tout de suite, 30 minutes. C'est parti. Non, mais attendez, c'était extraordinaire. C'était une de ses plus belles promos. Moi, je me souviens pas d'avoir eu une promo comme ça. Mais enfin, je suis plus curieux d'avoir votre avis en fait que de donner le mien, parce que moi, je considère qu'il l'a tué. Enfin, genre, il l'a tué sur place. Je comprends pas. Si vous êtes complètement désensibilisé et sans cœur si vous sortez de ce segment en vous disant que genre c'est AJ Styles qui a gagné la joute ou enfin. Ne t'inquiète pas. Ah non, mais genre c'est John Cena l'a couché sur place. Il l'a tué. Genre à partir du moment où AJ Styles a demandé mais qu'est-ce que tu fous encore là, c'était terminé. Déjà la question est stupide. Le mec, qu'est-ce que je fous encore là? Déjà je t'emmerde. Et puis de deux, genre je suis 15 fois champion du monde, je suis le mec qui représente la marque, je suis là depuis des années, je te prends tous les jours et voilà ce que je fous là. Par derrière. Non mais donc déjà la question était stupide et après il l'a couché. Enfin genre sa promo était fantastique. Tu peux pas détester, enfin t'as beau avoir une haine sans limite pour le personnage, tout ça, ça sonne tellement juste, tu sais qu'il pense tout ce qu'il a dit. Enfin, c'est pas juste John Cena le catcher, c'est vraiment John Cena le mec. Il pense exactement tout ce qu'il a dit. Genre, il prend jamais un jour de congé, il est non-stop, il est partout, c'est une bête de travail. C'est le dernier, c'est le premier qui arrive à l'entraînement, c'est le dernier qui sort. Enfin, il fait toutes les activités de public relationships, là, toutes les émissions, tous les trucs. Il fait tous les shows de radio. Et puis après sa remarque est superbe là quand il lui dit non mais de toute façon AJ Styles, je sais très bien que toi si ça marche pas ici tu feras ta valise et tu te barreras dans une autre fédé et tu referas la même chose. C'est tellement bon ça, tu vois, venant de John Cena qui lui est là depuis des années et qui bougera jamais. D'ailleurs, il y a un petit truc marrant là-dessus, c'est dans le post-show avec Daniel Bryan. Daniel Bryan a dit qu'il était pas très content de cette phrase. Il parlait du fait que lui, il a dû, il est passé par la WWE, il a dû repasser par des fédérations indées, etc. Et donc du coup que c'était un petit peu un coup bas. Mais bon, quelle intensité. J'ai zappé cette partie où Cena explique que AJ Styles, quand il a un problème dans une fédération, il s'en va. C'est il fait son sac, il se casse quoi. Mmh, tu vois. Mmh, et ça c'était tellement bien. Mais en fait à tous les niveaux, il l'a tué. Enfin genre c'était. Et d'ailleurs je trouve que c'était limite c'est la réserve que je mettrais sur ce segment, c'est que c'était peut-être trop violent, tu vois, genre on en a passé du temps là-dessus à Raw sur la promo Balor Rollins avant que t'arrives ringside sur Raw. On se disait c'était pas mal parce que tu sens que Balor est plus faible et que Rollins il aurait pu le déchirer au micro s'il avait voulu. Mais il s'était retenu parce que c'est plutôt intéressant parce qu'il faut protéger Balor quand même, il faut le mettre en top face et tout. Là franchement Cena s'est pas retenu et enfin moi je sors de ce segment, j'ai envie de dire mais enfin casse-toi AJ Styles, enfin genre dégage, t'es nul, genre, tu viens de te faire tuer quoi. Et donc et s'il perd à SummerSlam, ça devient dangereux ce type de promo, parce que s'il perd à SummerSlam le mec est enfin genre ça fait très très mal hein. Donc c'est bien là le problème. Donc le problème c'est qu'il va perdre à SummerSlam, donc du coup donc c'est très emmerdant, mais au moins c'est la limite. Au moins il prouvera sa théorie de Cena qui enterre les gens. Ouais, mais là c'est bien parti. Vas-y. Bon c'est bon Giscard, oui. Moi je suis absolument aux anges depuis cette promo hein. il lui a tellement fait fermer sa gueule que je... C'est ton papa, John Cena, hein, c'est ça? J'aimerais bien. Non, excellent. J'ai eu l'impression au début que AJ Styles avait oublié ce qu'il allait dire. Un petit peu, parce qu'il a bafouillé un peu. Il y a eu un moment de flottement. Et Jay Styles n'est pas un roi du micro, mais il s'est vraiment bien débrouillé, je trouve. Ça va. Et Cena, bah ouais, non, mais Cena, c'est, ça a commencé, c'est, comme ils disent les Américains, corny. Oui, avec genre, le love, genre, Ouais. Genre, ouais, j'ai pas honte de dire love parce que je suis un adulte, enfin, je suis un, en clair, je suis assez viril pour dire love, quoi. Non, mais oui, tout son couplet sur, alors, autant son couplet passionné, j'ai beaucoup aimé, hein, c'est la personnalité de Cena et tout ça, mais autant le moment qui m'a, genre, où j'ai fait un peu gloops, genre, ok, c'est le moment où il lui dit, attends, c'est quoi exactement, c'est en clair, enfin, il finit toute sa rhétorique et à la fin, donc du coup, il dit, je suis là pour représenter la compagnie, pour mettre en valeur, enfin, je sais pas s'il dit mettre en valeur les catcheurs, un truc comme ça, mais genre, bref, il fait tout, quoi, c'est Superman. Ouais, ouais, ouais. Et à la fin, et donc du coup, il étend ses trucs, genre, il raconte genre 10 choses en même temps, genre, tu te dis, putain, le gars, il fait tout, quoi, et à la fin, il c'est la regarde dans les yeux, il fait, et toi, tu fais quoi? Ouais, ouais, non, mais c'est génial! Non, mais c'est pour quoi ça que ici c'est. Genre là tu te dis ok non il a aucune non il a pas de il y a pas de réponse et voilà en vilain petit canard AJ Styles ça marche bien après c'est vrai que c'est risqué parce qu'il est seul et donc du coup ça fait un peu on a l'impression qu'il est un peu au bord du précipice, quoi, parce qu'il a, non seulement il a plus le club, mais en plus Cena le prend pas vraiment au sérieux finalement, parce que Cena, je pense qu'il le prend au sérieux. Par contre, il lui explique clairement que, il va falloir que lui, il arrête de le dénigrer, quoi. Alors c'est peut-être pas qu'il prend pas au sérieux, mais c'est surtout qu'on a du mal à prendre au sérieux la menace des Jay Styles, en fait. Ah bah oui, ça oui. Parce que voilà à la fin c'est surtout ça sa partition elle est pas elle est très ouais vilain petit canard qui croit que voilà il est le meilleur c'est jamais les meilleurs storylines quand un mec part du principe je veux juste démontrer que je suis le meilleur ça généralement c'est trop simple mais donc voilà non sinon le segment était vraiment bien peut-être AJ Styles l'a un peu ralenti mais bon vu qu'on a eu allez 10 minutes de Cena on ah fire ouais, c'était fou hein. Mais du coup le match à SummerSlam sera à scruter avec attention je pense parce que mon pronostic, c'est que Cena va gagner. Je pense, pas juste parce que il est plus fort, mais parce que je pense que c'est le booking. mais enfin bref, je pense qu'il va gagner. Mais il va falloir faire attention à la façon dont ils le fassent gagner, dont ils le font gagner. Je pense que ça va être super important. Et à mon avis, le booking qui peut avoir le plus de sens à long terme, parce que je continue à croire, comme j'avais pu le dire dans une envolée, dans un autre podcast, un autre catch-up, où je pense qu'ils sont partis pour avoir une feude très très longue. Une feud un peu historique comme John Cena a pu en avoir d'autres avec Randy Orton, avec CM Punk. Je pense qu'on a les bases pour faire quelque chose de très très grand avec ces deux-là dans les années à venir. Et s'ils veulent vraiment lancer la feud parfaitement, il faut qu'ils fassent un très très gros match à SummerSlam, vraiment un grand match. Il faut que AJ Styles soit booké super fort. Il va perdre, je pense qu'il va perdre, mais il faut qu'il soit booké super fort. Et à la limite, on peut imaginer un peu un finish. Pas foireux, mais un finish où il aurait une façon, une raison légitime de se plaindre, qui aille dans un peu à l'inverse de Money in the Bank, où finalement AJ Styles avait gagné, il a gagné assez clean, selon lui, parce que lui il était KO quand le club est arrivé, tout ça, donc bon bref, donc il a battu. Là, on pourrait imaginer un gros gros match, genre 25 minutes intense où AJ Styles met la folie, et finalement il perd sur un coup du sort, tu vois, un truc un peu peut-être un ref bump, peut-être une faute d'inattention, un truc, enfin je sais pas, mais il faudrait qu'il sorte très fort de cette victoire pour pouvoir continuer à l'avenir, parce que sinon cette promo plus une défaite clean comme une feuille blanche à SummerSlam, ce serait trop dur, je pense. Ouais, je pense que c'est un peu une promo pour clairement classique pour enterrer Styles, mais il a tellement de talent Styles que il s'en remettra, ils vont faire un match de fou à SummerSlam et je m'inquiète pas pour lui parce que pour moi lui ce sera la tête d'affiche d'ici un an. Après sur ce que dit Cena, quand tu dis qu'il pense tout ce qu'il dit, bon Cena il fait pas trop les house shows, hein. Je pense pas qu'on le verra par exemple à Strasbourg ou à Lyon. Et Styles, il en fait beaucoup quand même. Il a une excuse, c'est Monday Night Raw, la brand de Strasbourg et Lyon. Ouais, mais il fait pas tous les house shows et Styles il quitte pas les compagnies parce que ça va pas. Là, c'était happé, hein, par la WWE. Hein, c'était l'attaque pour répondre, voilà. pour donner une l'invective. Hein, quand je dis qu'il pense à tout. Je pense que Styles il a beaucoup trop de talent pour se faire enterrer sur cette feud-là. Oui. Ça va être quelque chose qui va rester, à mon avis, quelque chose d'historique. Le SummerSlam, ça va être de la bombe. Je pense aussi. Je pense que c'est maintenant. Et puis, ça, à mon avis, toute la feud était axée pour qu'ils aient un gros gros match à SummerSlam qui lance le truc. Le Money in the Bank, on en avait parlé. Ils avaient survendu. C'est le côté dream match. Ils en avaient parlé tout le temps, presque comme si c'était une stipulation. Ils l'affichaient dans le nom du match. C'est le dream match. Et justement, le dream match, il nous l'avait volé, il nous l'avait pourri avec cette frustration. Ouais, voilà, ils avaient développé cette frustration parce qu'on sait qu'ils peuvent faire un dream match, mais ils nous l'avaient volé avec le club qui était intervenu. Et donc là, je pense qu'on va avoir une sorte de payoff à SummerSlam. Donc, voilà. On attend ça de pied ferme. Oui. Voilà, allez, on enchaîne. Randy Orton contre Fandango. Parce que c'était la semaine dernière que Randy Orton a dit. C'est à Battleground qui est. C'est à Battleground dans sa truc. Il avait parlé de Fandango en disant ça pourrait être pire mon retour, je pourrais affronter Fandango, tu vois. Pour revenir à l'instar de Chris Jericho, quoi. Et donc ils s'affrontent. C'est essentiellement un headlock le match. Il se passe pas grand chose. Je crois que Randy Orton il place quand même un ou deux power slam là, vitesse rapide comme il sait les faire. Il en place un à Tyler Breeze aussi qui rentre dans le match. Je sais pas trop pourquoi. Et tout ça est interrompu. Les festivités sont interrompues par nul autre que Brock Lesnar, The Beast Incarnate, qui sort du public, hein, donc chou blanc pour la sécurité, hein, qui n'a servi à rien, parce qu'on les a vus en début de match, ils étaient tout autour du ring, là, à scruter ce qui se passait, mais ils peuvent rien faire. Brock Lesnar arrive tranquillement, Randy Orton donc le voit arriver, donc il se tourne vers lui, Fandango essaye de le prendre en traître, Randy Orton lui place son RKO. Et Brock Lesnar, il en profite pour monter sur le ring tranquillou et il chope Randy Orton, il le met en position du F5, il lui place son F5 et apparemment Orton, il est cassé en deux, hein, il a l'épaule fracturée. La sécurité arrive, Shane McMahon déboule, il lui demande de partir, il s'en va, Brock Lesnar, tranquillou. Ouais. Vraiment pas très inquiété, hein, il est passé, il l'a cassé en deux, voilà. Et donc après, bon, une petite coupure pub, et on retrouve à nouveau Lesnar qui marche jusqu'à sa voiture, qui rejoint par l'ami Poleman, et ils montent dans la voiture, ils s'en vont. Et voilà. Et je sais plus si après il y a encore... Si, ensuite il va y avoir une interview un peu plus tard de Randy Orton. Ouais. Une jolie présentatrice que je connais pas. Et il se passe rien en fait. Randy Orton sort de son vestiaire et il dit rien, il s'en va. Donc pas d'interview au final, interview ratée. Des matchs annulés, des interviews annulées. Elle lui demande comment il va après son F5 et lui sa réponse c'est que genre il va super bien, il part dans le couloir genre encore en forme. Voilà. Bon. Voilà cette intervention de Brock Lesnar, ça vous a surpris? Vous pensiez le voir à SmackDown? Moi surpris, attends. les mecs, ils font genre combien? Genre allez 20 rappels qu'il y a de la sécurité pour Brock Lesnar pendant tout le show, donc ouais. On sait qu'il est là quoi. Mais le segment, enfin c'est même pas un segment, c'est le tout petit moment que j'ai bien aimé, c'était Lesnar dans le parking qui dit à Shane McMahon un truc genre je voulais juste rendre l'appareil ou oui c'est ça avec son petit sourire œil pour œil. Genre, je voulais juste le rembourser, c'est tout. Voilà. J'ai juste fait mon job, maintenant voilà. je m'en vais. Donc ça c'était plutôt marrant. Non bah très bien, c'est bien d'avoir fait ça, c'est bien de pas l'avoir étalé sur 2 semaines quoi, de faire ce truc là en 2 jours. Ouais. Donc on verra s'ils arrivent à être créatifs sans les faire se rencontrer toutes les semaines. Et voilà, non, c'était tout simple, la réponse du berger à la bergère. C'est ça. Ok. Bon, ouais, léger. Moi, j'ai peut-être été un peu naïf, mais franchement, j'étais pas persuadé qu'il viendrait dès ce SmackDown-là, dès le lendemain, parce que je me suis dit, c'est parce que je disais, il faut qu'ils gardent quand même ces histoires un peu d'invasion assez rares. Je pensais que du coup, ils allaient peut-être l'étaler sur les 3 semaines qui nous séparaient de SummerSlam. Peut-être qu'ils allaient le faire. Je sais pas, par exemple, on peut imaginer au Go Home SmackDown, ouais. Tu vois, genre juste avant le pay-per-view, hop. Brock Lesnar qui arrive, ça aurait pu être une solution. Bon, écoute, maintenant ils ont soldé l'affaire et du coup c'est pas mal parce que ça instigue un peu la peur dans l'esprit des deux. Peut-être ils vont se dire à chaque show, du coup jusqu'à SummerSlam, ils vont peut-être pas se sentir en sécurité alors que ça aurait dû être le cas avec la séparation des brands, donc pourquoi pas. Puis bon, c'était bien. Moi, peut-être un truc que je veux souligner, c'est que j'ai beaucoup aimé la différence de traitement entre les deux, entre Raw et SmackDown, puisque à Raw on avait Randy Orton qui s'était échappé après l'arrivée des arbitres et de Stéphanie et Mick Foley qui s'étaient échappés dans la foule pour partir, alors que là t'inquiète que Brock Lesnar il en avait rien à péter. Ah oui, sort du ring en marchant, personne n'ose le toucher. Et moi j'ai bien aimé cette petite touche, ça colle beaucoup bien, ça colle super bien au personnage, genre personne n'a voulu le toucher, c'était non c'est bon ça y est c'est fait, je m'en vais, c'est bon, genre et tu sentais qu'en plus si tu posais une main sur son épaule, il te fracassait la tête contre le mur. Donc c'est j'aime bien parce que c'est ça Brock Lesnar, tu vois, genre il en a rien à foutre. Genre il vient, il pète la gueule, il s'en va quoi. Donc c'était vraiment pas mal. Donc bon, super, moi ça me donne encore plus envie de voir le match. J'adore. Je pense que pour des idées peut-être d'innovation, parce que tu disais maintenant il faut plus qu'ils se croisent, peut-être qu'on peut avoir des trucs un peu à l'ancienne, on en voit plus trop, mais c'est des segments en live différé, peut-être genre tu peux imaginer Randy Orton qui est chez Brock Lesnar et tu sais des trucs un peu provoques comme ça, mais je sais pas si Orton osera aller chez Lesnar dans la ferme dans le Minnesota dans la ferme de Brock Lesnar. J'irai poser un archéo chez vous ou peut-être l'inverse, hein, ça peut être Brock Lesnar qui débarque chez Randy Orton qui nique tout, enfin il peut y avoir des petits trucs comme ça. Là t'es en train de rêver, là tu te crois 20 ans, il y a 20 ans là, je sais pas à voir. En tout cas classique et efficace, ouais, très bien. Alors la suite, ensuite c'est le moment If Slater, hein, le jobber. Il va bientôt avoir un segment pour lui tout seul. Ouais, dans notre podcast. Le free agent le plus chaud actuel, qui comme d'hab, il discute avec Daniel Bryan, pourquoi j'ai pas été drafté, tout ça. Et Daniel Bryan lui dit écoute, on te fait un match la semaine prochaine, si tu gagnes, t'as un contrat. Et donc il demande il se demande qui va affronter. Yves Slater propose le Jumping Martin Landy, le comparse imaginaire de Chris Jericho, que Chris Jericho avait mentionné à Raw. Et puis il se fait défoncer d'un seul coup. C'est Rhino qui lui fait un gore, visiblement il est rentré dans la pièce, il l'a défoncé. C'était violent, c'était rigolo. Daniel Bryan le regarde passer, il fait t'affronteras Rhino en fait. Et il était au téléphone, Daniel Bryan, il en profite pour appeler un médecin pour le pauvre Slater qui s'est encore fait défoncer comme à son habitude. Le running gag. Voilà, ça vous plaît ces petites histoires de Heath Slater? Ça me fait marrer, moi. Il y a rien de dire de spécial. C'est bien fait, c'est tant mieux pour lui. Mais donc il affronte Rhino la semaine prochaine, c'est ça? Écoute, c'est ça. Ok. Effectivement. Moi je veux qu'il gagne de façon blague. Je sais pas. Non, il va perdre, c'est sûr. Moi, je pense qu'ils vont continuer le running gag pendant longtemps. À mon avis, je le vois bien, genre perdre contre Rhino cette semaine, et puis peut-être que dans 2 semaines, non, après SummerSlam plutôt, parce que ça serait bizarre. Mais genre après SummerSlam, tu vas voir, on va lui dire écoute, on te donne une deuxième chance, et puis du coup, ils vont le faire affronter Shelton Benjamin, peut-être par exemple, qui va arriver. Tu vois, ça peut être un bon moyen de faire venir Shelton Benjamin. Je pense que ça va continuer. Ça va être plein de prétextes pour se marrer chaque semaine, et peut-être justement en profiter pour faire revenir des, enfin faire arriver des catcheurs. Mmh. Mais pas Jinder Mahal. Hein. Oui, arrêtez bah, avec les. Pas ce genre de personne là. Jinder fucking Mahal. Ce n'est pas une réflexion raciste. Ouais, hein. Je parle juste de. Je parle juste du club. Mon Dieu. Bon. Enfin bref. C'est... Bah, je pense que vous avez dû en parler hein, de Jinder Mahal. Ouais. Oui. Pas très... Non, c'est pas longtemps. Non, oui, c'était dans le Jobber's World, on l'avait évacué. Ah oui, bon, bah, on n'en parlera jamais, je crois. Voilà. Ok. Alors, la suite, qu'est-ce qu'on a? Une interview en plateau par René Young. Alors, on revient sur son petit plateau. Ouais. Il y a son petit copain Dean Ambrose, le champion, qui est là. Il tient pas en place. Ah, c'est excellent ça. Ouais, il veut pas s'asseoir, c'est trop drôle. Il veut pas s'asseoir, il y a on se met debout. Moi, je tiens pas en place, j'aime pas avoir le casque sur les oreilles, ça fait chier. Et donc, bah, ils discutent encore de Dolph Ziggler. Et donc, bah, y a rien de nouveau hein, par rapport à ce qu'il a dit avant. Et bah il se finit par jeter le casque et puis il s'en va donc toujours dans son attitude de, j'en ai rien à foutre. Voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus, je pense que non. moi j'ai beaucoup aimé la petite progression en fait parce que au début il est assis, au bout de genre 30 secondes il dit j'aime pas être assis, on va se mettre debout, et à la fin il dit j'aime pas le casque, ça me fait chier, et en fait ça fait vraiment genre au fur et à mesure c'est la gradation du mec qui vraiment genre il a rien à foutre de rien. Ouais, voilà. C'est ça. Et non mais c'était cool, et je crois qu'il a vite fait parler du fait que finalement le plus gros problème des Ziggler c'était surtout son manque de confiance en lui. Ouais. C'était vraiment l'angle qui va être le gros angle du match, le fil rouge de leur rivalité. Donc ensuite on a déjà parlé de ce qui se passe ensuite, donc on va tout de suite passer au main event. Ouais. Mm-hmm. Qui voit Dolph Ziggler affronter Bray Wyatt. Trop la place de number one contender. C'est ça, pour son spot à SummerSlam. Alors ça commence très fort, hein. Ziggler il cueille direct Bray Wyatt avec un enchaînement dropkick, et je crois que c'est Ziggler dropper, hein, ça descend de la cuisse là sur la nuque. Ouais. Compte de deux, Ziggler enchaîne, il se prépare pour un super kick, Bray Wyatt il glisse à l'extérieur du ring pour éviter ça. Là-dessus, Ziggler, il descend du ring, il fait une petite promenade, on sait pas trop pourquoi il veut attaquer Bray Wyatt dans le dos, mais Bray Wyatt le cueille direct avec une corde à linge, hein, il se fait sécher directement Ziggler. Wyatt le prend, il l'envoie dans la barrière d'insécurité. On remonte dans le ring, Bray enchaîne les coups de poing, et là, c'est le drame. Ziggler esquive un coup de poing, il enchaîne sur un roll-up, mais Bray Wyatt se coince le pied sous Ziggler et visiblement il se tord la cheville. Je pense que ça va l'handicaper dans le reste du match. C'est la coupure pub. Ouais. Et après, on les retrouve les deux belligérants sur la troisième corde dans le coin du ring. Ils sont en train de se castagner un petit peu et ça se termine par une superplex qui permet à Bray Wyatt de prendre l'avantage. On enchaîne sur deux bonnes minutes de headlock avant que Ziggler se dégage par un brise-mâchoire. Ziggler enchaîne dropkick, stinger splash, brise-nuque, descente du coude sur ressort là. Compte de deux. Ensuite, une nouvelle tentative de super kick contrée par une bonne droite dans la gueule. Bray Wyatt, enchaîne souplesse avec projeté, hein, la manière de Sheamus aussi. Et un back swanton. Compte de deux. Bray Wyatt, il va ensuite aller défaire la protection dans le coin du ring. Il est stoppé par l'arbitre, qui arrête de faire ça, ça se fait pas. Et Ziggler en profite, il le prend dans le dos, il lui place directement son zigzag. Et il fait le tomber. On pense qu'il a match gagné, mais non. Compte de deux. Stupéfaction générale. Ouais. Là-dessus, Ziggler pète un câble. Il finit d'arracher la protection du ring. Wyatt revient aux affaires, il tente un Sister Abigail qui est contré, mais il réussit à placer son espèce de choc slam modifié là, violemment, hein, il fait monter Sister à 2 mètres, il l'écrase au sol. Bon là on ressent hein, que Bray Wyatt est limité un peu par sa blessure, il peut pas faire grand chose de plus visiblement que passer en mode brawler. Il administre les coups de poing, les coups de pied. Ziggler finit par se dégager grâce à un petit coup de coude bien placé. Ziggler, il chope Wyatt, il lui met la face dans le coin de la protection du ring, le coin sans protection, pardon, dans le ring, et il le finit avec son super kick qu'il a essayé de placer plusieurs fois. 1, 2, 3, victoire de Ziggler qui conserve son match pour SummerSlam. La foule est en délire. Et donc après le match, Ziggler il invective Ambrose. Hein, Ambrose il monte sur la table des commentateurs. Oui, parce qu'il était au commentaire. Voilà, il était au commentaire, ouais. Ambrose, depuis le début du match, effectivement. Ils sont là, Ziggler lui dit, voilà, tu me cherches, tu veux savoir qui c'est le vrai moi, ben voilà, tu l'as là, vas-y, on va se casser la gueule, tout ça. Et là, paf, il se fait attaquer dans le dos par Eric Rowan, qui le défonce, il lui met, il le fout à terre, aussi avec l'espèce de choc slam, là. Ambrose essaye de s'interposer, mais il se fait aussi défoncer. Et on finit l'émission sur Bray Wyatt et Eric Rowan, la Wyatt Family, le nouveau visage de la peur, triomphant, souriant. Et voilà, c'est la fin du show. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce main event, les amis? Meilleur match de la semaine. franchement, ouais. Bah oui, non mais je déconne pas. Non mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec toi, mais ouais. Je n'en doute pas. J'ai adoré le match. Ça fait plaisir. Bray Wyatt à chaque fois qu'il est en solo, je trouve qu'il est. Il a tellement d'impact, il a des petits trucs un peu imprévisibles, il a une présence. Ah là, il est tellement bon et par contre, j'avais pas remarqué ce moment où il se fait mal. J'ai peut-être pas bien regardé. Pour ta décharge, après la coupure pub, il fait quand même un gros match s'il a vraiment une entorse parce que il tient bien le coup. Hein. J'ai vu le match deux fois et en fait après la coupure pub, si vous le regardez, il se déplace pas. Il reste dans le ring. Il va pas y avoir d'action à l'extérieur. Il peut pas courir. Ouais. Il va pas courir dans le match. Il va juste utiliser le haut du corps pour faire des prises bien bourrin. Le match reste cool, mais c'est tout à son honneur d'ailleurs. C'est tout à son honneur effectivement. Ouais, moi ça m'a pas du tout choqué. Je me suis même pas dit tiens le match ralenti vers la fin ou quoi que ce soit. Puis Ziggler qui sort sa panoplie et puis ce moment où Wyatt tente d'enlever le. Je le sentais en fait au moment où j'ai vu Wyatt commencer à enlever comment on appelle ça turnbuckle, enfin bref. Ouais c'est ça. J'ai fait c'est bon, c'est Ziggler qui va le finir, enfin qui va finir de l'enlever et machin et du coup voilà, Ziggler finit de l'enlever et donc du coup c'est Ziggler plus agressif. À la fin, il monte sur la deuxième corde. Il regarde Ambrose dans les yeux en mode ultra vénère, en train de lui gueuler, genre je vais te démonter. C'est moi, c'est le vrai Ziggler que tu vois et tout. Enfin, tu l'as déjà dit, mais il est très bien ce passage. Excellent. Enfin, je l'avais dit au début de ce supplément. C'est excellent de bout en bout. Ouais. Ziggler Ambrose. Voilà, c'est nickel. C'est nickel. Mmh. Je reviendrai pas sur le match qui, pour moi, je suis d'accord avec toi, mais on sera dans la minorité. Pour moi, c'était vraiment le match de la semaine facile. Pas par la technique, mais par l'histoire, quoi. Par l'environnement, par l'intensité, par l'envie, par les expressions faciales de Ziggler. C'était exceptionnel. Et je suis d'accord pour donner un coup de chapeau à Bray Wyatt, qui est un peu sous-estimé en solo, mais qui reste une valeur très très sûre en un contre un. Il a des beaux matchs à son palmarès par le passé et il continue d'en avoir. Donc, finalement, c'est cool qu'il soit à SmackDown parce qu'on va pouvoir le voir plus souvent et dans des matchs de haut calibre. Donc, ça, c'est cool. Pour l'instant, s'il continue comme ça jusqu'à SummerSlam, la feute, ça peut être un modèle du genre. Enfin, ça va être super, je pense. Entre le personnage d'Ambrose qui me séduit de plus en plus, vraiment, il a son style à lui. Enfin, j'ai pas souvenir d'un face comme ça. C'est Dean Ambrose. C'est pas une copie de où il vous fait pas penser à quelqu'un par le passé. C'est Dean Ambrose. Et puis Dolph Ziggler, voilà, c'est peut-être le côté rareté un petit peu parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu dans un gros match ou dans un main event, Dolph Ziggler, mais donc du coup on le redécouvre un petit peu, mais c'est un vrai plaisir. Et puis ce finish, Ce finish est superbe. Enfin, c'est l'histoire racontée. Ce match gagné à la rage, à l'envie, Lovis. Voilà, genre c'est ça le vrai Dolph Ziggler. Maintenant, va falloir que tu te méfies de ça parce que je suis capable de tout. Donc c'était super bien joué. L'arrivée de Eric Rowan, surprenante. Je m'attendais pas. À mon avis, ça n'ira pas plus loin que et c'est pas plus con que de booker. Je pense que SmackDown la semaine prochaine on aura un 2v2 Ziggler Ambrose relativement standard hein, les deux mecs pour le titre et le challenger qui font équipe ensemble contre Bray Wyatt et Eric Rowan. Et puis comme j'avais pu l'écrire sur le forum, je pense que c'est pas plus con de donner une sorte de, parce que mine de rien il y a quand même encore 3 semaines avant SummerSlam, c'est long. Ouais. C'est pas con du tout de donner une sorte de petite feu de parallèle à Dolph Ziggler avec Bray Wyatt, parce que déjà c'est toujours intéressant les chaussées croisées comme ça, et ça permet de garder Bray Wyatt un peu dans la title picture éventuellement après coup, et puis ça donne aussi l'occasion à Dolph Ziggler de faire des matchs de haut standing, mais pas contre Dean Ambrose, parce que c'est pas possible, il faut garder ça pour SummerSlam. Donc du coup c'est très bien, c'est vraiment habilement joué cette feud, et entre celle-ci et AJ Styles contre John Cena, c'est du très très haut niveau, et SmackDown frappe fort avec ces deux rivalités là, franchement ils ont le haut du panier pour SummerSlam là. Ouais, c'est intéressant de faire des rivalités, des sous-rivalités, de faire interagir des superstars qu'on pensait pas qu'ils pouvaient rentrer dans l'histoire. On est loin de ces rivalités qu'on avait à Raw pendant le fin d'année dernière, début d'année, qui étaient des redites, toujours les mêmes. T'as 5-6, t'en as 5-6 mobilisés, et puis là, ça tourne, quoi. Voilà. Et là, maintenant, ça crée des histoires plus intéressantes. Et effectivement, s'il faut faire durer 3 semaines, le fait que Bray Wyatt y soit dans l'histoire, Ça aide, hein. Ça aide carrément, effectivement. Et puis même, on peut faire le parallèle avec ce qu'on s'était dit, hein, genre le fait que Baron Corbin, pour le titre intercontinental, soit dedans, le fait que Cesaro et Sheamus se soient battus pour le titre US aussi, Aro, c'est très intéressant cette dynamique, donc c'est bien. Ouais, ils finissent par construire vraiment des histoires qui sont intéressantes, et pas seulement toujours ce problème qu'on avait de redit de match éternel. Je crois que quand c'est terminé, on doit enchaîner sur les tops, les flops, le mot de la fin, les tops, les flops, la note. Alors, on l'avait pas fait la semaine dernière pour SmackDown, mais on peut faire très rapidos. Ouais. Très rapidos, Giscal, j'accentue sur le rapidos. Ok, c'est très simple. SmackDown, je vais mettre 4,5. 4,5, je mets pas 5 à cause des filles où c'était pathétique, mais en même temps j'ai perdu espoir, donc ça m'a pas gâché mon show. Donc du coup c'était absolument, c'est fantastique, c'est un modèle du genre. Les deux grosses rivalités de SmackDown ont été bookées parfaitement. Orton Lesnar, super quoi. Bon bref, je passe à mon top. Mon top c'est dur parce que c'était tellement bien les deux promos, mais je vais quand même mettre la promo de John Cena par favoritisme. Mais j'ai trouvé la promo de John Cena absolument fantastique, et puis le fait de le voir démolir comme ça au micro, Jay Styles, c'était jouissif pour moi, donc je vais mettre ça dans mon top. Et puis mon coup de gueule, vous avez compris, hein, je vais mettre les filles de manière générale. J'ai pas de moment. Je vais mettre les filles. C'est pas bon, c'est nul. Pour une fois, je suis d'accord avec Monsieur Giscal, et je vais mettre 4,5 aussi. Yes. Non, vraiment, incroyable. Enfin, vraiment, j'ai été sur le cul avec Cesaro. On a tellement l'habitude de dire ça. Est-ce que c'est pas une très bonne nouvelle, ça, d'avoir enfin un SmackDown qui pète J'ai l'impression que c'est le jour et la nuit par rapport à la semaine dernière, quoi. C'est vrai. Et on a vraiment l'impression, ou alors on a l'impression que genre les bookers, ceux qui écrivaient pour Raw la semaine dernière sont passés à SmackDown et ils changent toutes les semaines, je sais pas. Coup de cœur, ça va être Ambrose Ziggler. Je peux pas les départager, les deux en promo, c'était fantastique, j'ai adoré les deux. Le coup de gueule, ça va être particulièrement Carmella, parce que Carmella, elle fonce dans un trou noir là. Je sais pas, alors peut-être qu'elle est jeune, elle peut pas se faire entendre, ou alors peut-être qu'elle est contente de ce qu'elle fait, je ne sais pas, mais faut que quelqu'un se rende compte que non, c'est pas la bonne route, et qu'on lui dise non, finalement il va falloir changer. stop parce que voilà, là elle peut plus surfer sur les sur ses deux copains, donc c'est ça. Donc voilà. Et puis c'est tout, mais en fait je pourrais en parler pendant des heures de SmackDown. C'est vraiment, et non mais vraiment on n'a pas vu un SmackDown comme ça depuis. Oh, c'est cool. Putain, ça fait 2 ans, 2 ou 3 ans. Ouais, ça fait des années, quoi. On va pas se mentir. Hein. Ben moi dans les tops, comme vous avez dit ce que je trouvais top aussi, je vais mettre le match pour le titre intercontinental pour la place de challenger, qui était vraiment bien foutu. Et puis dans les flops, je vais me dire comme toi, hein, je vais mettre Carmella parce que c'est vraiment mal barré. Ouais. Voilà, et ma note, je vais laisser une marge, je vais monter à 3,75, allez. Oh, c'est une bonne note pour Ringside, ça c'est bien. C'est une bonne note pour moi. C'est bien. Je laisse encore un peu de marge, il reste un 25 qui peut faire en plus. Voilà, donc c'est terminé pour ce catch-up spécial SmackDown, le supplément SmackDown. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur iTunes, sur YouTube, sur Podcloud, sur Mixcloud, et n'oubliez pas de nous rejoindre sur le site des Cahiers du Catch, sur le forum. On va remercier notre ami Hank. Pas de rien. C'était bien cool d'être tranquillou dans mon siège sans notes pour une fois l'invité. À blablater. Et puis on va remercier Giscal. De rien. C'est toujours un plaisir, de rien. Ah voilà, et puis les gars, les amis, je vous dis au revoir, je vous dis bonne soirée, et à bientôt, et une semaine, comme on dit, pleine de catch. Bye bye.